Isis, la redoutable, par François de Nyon. Sous l'entassement des bois sculptés, des ferrailles, dans l'épaisse poussière, infatigablement à la canne de Georgure, tu fouillais, pêchais, dégageais parfois un cuivre évidé, un pied de fauteuil, un bras de statue. Le marchand, fumant sa cigarette collée à une seule lèvre, suivait de l'œil, avec un sourire de dédain, la manie de son client. C'était un bric-à-brac pour petites gens, dans un quartier perdu de banlieue où l'on méprisait les vieilles choses. Georges, souvent dans un coin de rebut, avait fait de ces découvertes stupéfiantes, inattendues, qui vous prennent soudain le cœur et vous font couler du froid le long des reins. L'introuvable bibelot trouvé là dans la crasse d'un débarras, le bel et rare objet qu'on aimera, qu'on respectera dans la joie de l'intérieur, en belle place, content d'être avec d'autres, ses frères de grâce et de beauté. Sous un lot de casseroles, Georges distinguait une forme grise, une ébauche de forme, une apparence de membre. Il se mit à genoux, résolument, souleva des mains toute la chaudronnerie tintante, croulante, à pas un bout de tête, tira. Un buste venait, puis tout un corps raidi. Sa fièvre crue, il ébranla les dernières résistances entassées sur les pieds, amena l'objet sous un coin de lumière. Le marchand lui cria un peu goguenard, « Vous avez trouvé quelque chose à votre idée ?» Il se rassembla, s'obligea de répondre, « Ah, je ne crois pas, ça n'a pas l'air fameux. » Mais ses doigts pressaient, tâtaient la statue de bois, ses yeux en dévoraient l'aspect. Elle représentait une femme vêtue d'une robe aux plis amples et lourds, aux bras collés le long du corps, aux genoux ramassés. Doucement, il souffla la poudre qui couvrait la face, reconnut des traits purs, un peu effacés par l'usure, d'un type oriental et mystérieux. Le brocanteur avança sa nonchalance. « Tiens, vous avez déniché la bonne Vierge de Saint-Parvoux. Il y a au moins 10 ans que je ne savais plus où elle était passée. Elle vient de votre pays ?» Il haussa les épaules. « Oui. Des légendes, quoi, qu'ils ont inventées sur elle. Alors je l'ai échangée avec ma tante contre une belle bien conditionnée en pâte que j'ai fait venir de Paris. Histoire de lui donner un contentement, quoi. » Celle-là lui faisait peur, la brave femme. Il prit la petite statue des mains de Georges. C'est une drôle de particulière, tout de même. On l'a déterrée un jour dans un champ, avec des vieux tessons, des pots, pendant qu'on faisait les emblavures. Paraîtrait qu'il y aurait eu là, dans le temps, un camp de soldats romains. Alors ma tante, comme de juste, elle a dit que c'était la mère du bon Dieu. Elle l'a mise dans sa salle. Mais vu qu'elle n'était pas bien propre, on a eu l'idée de lui passer une couche de peinture. Eh bien, elle n'en voulait pas. 2 fois, on a essayé. 2 fois, au matin, on l'a retrouvée telle qu'avant. Faut croire qu'elle se secoue la nuit comme un cheval mouillé. C'est vrai, ce que je vous dis là, monsieur. Georges murmura, travaillé par son seul désir, mais modulant une voix distraite. Je veux bien vous la prendre, si vous n'en faites rien. Pas cher, hein? Le marchand dit par devoir. Ah, monsieur, c'est tout de même un beau morceau de bois bien travaillé, allez! 20 francs, 25, et encore, parce que c'est pour vous. » Georges triompha, emportant ce butin, le touchant de temps en temps pour se persuader qu'il le possédait. Il voyait par avance l'endroit de son atelier où il poserait le bois, bien en vue, sous un jour oblique. La statue irait avec les angles byzantins de la pièce. Madone peut-être travaillée au couteau par quelques moines de la tosse. Le curieux sourit d'imposer sa grossièreté à des entours d'orfraies et de cloisons dorées. Une autre joie qu'il préméditait fut de déballer sa prise sous les yeux ravis de sa femme Germaine. Il était vain de ses trouvailles comme un chasseur de sa chasse. « Vous avez encore apporté quelque chose, Georges? Vous nous ruinerez à la fin. Oh, une affaire magnifique! Tiens, voilà le mage. Il va nous dire son avis. » À la porte de l'atelier, Andreas Sagor levait sa tête maigre et ses yeux ardents. « Regarde cette vieille madone que je viens d'acheter. » Il arrachait les journaux qui empaquetaient la statue, la déshabillant avec des mains violentes. « Elle est byzantine. On voit la place d'une âme niellée. » Mais le visiteur secoua la tête. « Marie, cela, jamais. Et ta conquête est plus grave que tu ne crois. » Il prit le bois, l'éleva entre ses mains vers la clarté. Des fleurs de lotus mêlées à la coiffure. Elles sont rudimentairement indiquées mais reconnaissables. Des feuilles de figuier sculptées dans le socle avec des sistres. Cette vierge-là, mon cher, c'est Isis. Isis ? Une Isis gothique. Allons donc. Tu ne sens donc pas le mouvement du bras ? Elle tenait l'enfant Jésus. Ou l'enfant russe. C'est la Vierge. Elle avait une auréole. Ou la mitre isiaque. L'incroyant s'écria. Tant pis. Quelle qu'elle soit, elle fera bien pendant avec le Bouddha. Non, ne tente pas cela. Cela, quoi ? Tu ne sais donc pas ce que c'est qu'Isis ? Cérès, Junon, la Lune, la Terre, Proserpine, Tétis, Cybèle, Maya, Uranie, Ramnusia. Sous tous les noms qu'on l'invoque et qu'on l'adore, elle est toujours tous les dieux. Elle est la nature qui les contient et les absorbe tous. Ne la mets pas en face de Bouddha ou de Jésus. Ils sont l'esprit, ils sont l'ennemi. Elle ne veut pas être découverte et montrée à eux. Où l'as-tu trouvée ? Cachée, sans doute. Sous un amas de choses. Tu aurais dû la laisser là. Le peintre s'écria. Quelle bêtise ! Quelle importance tu attaches à un morceau de bois ? Ah ! Si tu en es encore à douter de la puissance des formes. Mais Georges Hurtu s'écria avec une joie d'enfance. Tiens, regarde comme elle fait bien là. Le soleil dort son vieux bois qui devient presque rose et les plis de sa tunique semblent se mouvoir. Le vent de nuit, avec de grands battements d'ailes sombres, volait par les boulevards déserts de Neuilly. Germaine et Georges sentirent sa force peser sur les vitres de leur chambre, secouer les murs de la demeure. Elle souffla, tremblante. Pourvu qu'il n'arrive pas quelque malheur avec cette chose que tu as rapportée. Tu crois ce qu'a dit Sagor maintenant ? Tu sais bien qu'il est fou. Écoute, cria-t-elle. Une détonation éclatait au-dessus d'eux, suivie d'un grand bruit ruisselant de verre tintant et brisé. Le vent vient de casser une des vitres de l'atelier. Le vent ? Murmura-t-elle. Je vais voir. Non, n'y va pas, je te le défends. Le vent devait balayer la pièce par la fenêtre défoncée, car ils entendirent des coups sourds et sur le plancher comme la pesée d'une lutte. N'y va pas, répétait Germaine, je te le défends. Sur leur tête durait le mystère. Silencieux, enlacés, ils attendirent le salut, le jour. Aux lueurs du matin, ils entraient dans l'atelier maintenant de silence et de calme. Le vitrage éclaté laissait glisser une brise de mai qui flottait doucement dans les tentures et sur les meubles. Mais ils virent que l'ouragan nocturne avait fait rouler de son socle le gros Bouddha et arraché du mur le grand crucifix d'ivoire. Ils avaient roulé tous les deux au pied de la statue de bois impassible. C'était Isis la Redoutable par François Denion.